Et voilà, le bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien, c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. J'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. Peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, des bénévoles, à ce que je peux comprendre, qui sont mis ensemble du côté de Falaire pour redonner vie à CKRP 95.7 FM à Rivière-la-Paix. En Alberta. Là, le changement d'opérateur ou de propriétaire a été fait auprès du CRTC parce que l'ACFA n'avait plus les ressources ou les moyens de s'occuper de CKRP Falaire. Et voilà que c'est des bénévoles qui vont peut-être essayer de remettre ça sur pied. On l'espère, on leur souhaite la meilleure des chances. Et peut-être que d'ici l'automne ou un petit peu plus tard, on aura CKRP qui sera de retour pour divertir les gens dans la région de Rivière-la-Paix en Alberta. On vous souhaite, chers amis, toute la meilleure des chances et puis travailler fort. Et j'espère que la communauté sera derrière eux pour redonner vie à cette radio CKRP 95.7 FM. Je vais leur dédier deux chansons à cette équipe-là, soit « Nouveau jour » de Joël Lavoie et aussi « Lucidité » de Robert Walsh, deux artistes de l'Alberta, deux artistes qui ont travaillé ensemble avec Ali West. Et un certain temps, Joël Lavoie s'occupait également de CKRP. Donc, encore une fois, des bénévoles veulent repartir, redonner vie à CKRP 95.7 FM Rivière-la-Paix. On leur souhaite le meilleur. Chanson à la de l'océan sont beaucoup plus bleus quand tu es là. Voilà pourquoi je t'aime et je t'aimerai beaucoup plus que longtemps, mon amour. C'est un nouveau jour. Cette poussière, cette poussière du présent. Le week-end du 27, 28, 29 juillet, eh bien, avait lieu du côté de Willow Bunch en Saskatchewan. Willow Bunch, c'est la ville natale de la famille Campagne qu'on a connue avec Feu Follet et aussi Art Rouge. Eh bien, à chaque année, sur la ferme familiale de Paul Campagne, eh bien, on a ce festival-là, Farm Fest, et on invite plusieurs invités. C'est un festival de musique en anglais et en français. Et cette année, il y avait plusieurs artistes qui étaient là, bien entendu, mais aussi, il y avait Isabelle Longnus de Vancouver qui a été invitée à participer à ce festival-là. Donc, je trouve ça assez intéressant. Merci. On va écouter justement des artistes qui ont participé à ce festival-là. Il y a, entre autres, Annette Campagne qui a des albums solo en anglais et en français. Son dernier, Papillon Amiral, qui est en français, a de très bonnes chansons là-dessus, dont Jamais dire jamais. Très, très bonne pièce, assez rock'n'roll, vous allez voir, c'est bien le fun. On va entendre ça dans quelques instants. On va entendre Les Agneaux de Code Bleu de Isabelle Longnus. Isabelle Longnus qui est de Vancouver. Ces temps-ci, elle a passé quelque temps à Montréal. Je pense qu'elle travaille déjà sur un nouvel album. C'est à suivre. On va mettre un homme là-dessus pour savoir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Donc, on va entendre Les Agneaux. Très bonne pièce, très rythmée. Et par la suite, on va entendre Alexis Campagne, qui est un des garçons de Paul Campagne, qui, lui, a fait partie des Barricades, mais aussi a sorti un album solo sur lequel on retrouve une chanson francophone. C'est drôle comme il s'aime, et c'est Annette Campagne qui chante la voix féminine. Donc, ça s'en vient aussi également. Mais allons-y justement avec Annette Campagne, « Jamais dire jamais », la voici à Canrock. Avec le soleil et tu tires sur ses rayons pour que ton courage ne coule pas jusqu'au fond. La chance n'est plus de ton côté et t'as envie d'abandonner tes rêves. Alors tu prends de la porte car enfin c'est décidé. Aujourd'hui tu laisses tes rêves de côté. Alors que laisse pas tomber. Ne jamais dire jamais.

Cette histoire ressemble un peu à l'histoire de nous deux. La pièce de théâtre où on s'est rencontrés. Étincelle, coup de foudre, même 7 ans plus tard. Maintenant tu dois déménager, un doctorat à l'étranger. Ma musique me fait voyager pour des mois. Et toi, ici et là, on l'a fait déjà plusieurs fois. À distance ou côte à côte, les forces et les faiblesses de l'un complémentent celles de l'autre. Mais c'est drôle comme ils s'aiment. C'est drôle comme ils s'aiment. Mais c'est faux comme ils s'aiment. Et voilà, bon petit groove, Alexis Campagne de Montréal, mais sa famille est d'origine française, de la région de Willow Bunch. C'est le garçon à Paul, la campagne, et la chanson qu'il vient de nous faire, c'est drôle comme il s'aime. Bon petit groove, j'aime ça, très intéressant. J'espère que le choix musical vous a plu. J'essaie à chaque semaine de vous offrir de la très bonne musique franco-canadienne et de vous parler de ces artistes-là, qu'est-ce qu'ils font, les spectacles qu'ils font, les albums qui s'en viennent, les bons coups qui arrivent à ces artistes-là, parce que la francophonie canadienne, elle est vivante. Donc, je dois remercier des gens très, très spéciaux qui m'aident beaucoup, beaucoup, beaucoup à partager cette émission-là. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFA B Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick. CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa. CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR, Yolonaire, Territoires du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Merci à tous les auditeurs de tous ces coins de pays-là. Et bien entendu, si vous avez des commentaires, des suggestions, même des contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. canrockcdn@gmail.com. Je vais rentrer en contact avec eux, recevoir leurs produits et puis, dans mesure du possible, le faire tourner sur, à l'émission Canrock pour que cette musique-là soit partagée partout au pays. Le thème qui vient de commencer, j'ai 20 secondes pour vous dire une seule chose. Allez encourager vos artistes locaux. C'est important, ils ont besoin de votre support et vous risquez d'être séduits, ça c'est garanti. Sur ça, je vous souhaite bonne semaine musicale. À la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bye bye!